Bonjour. Bah ouais, carrément, parce qu'en plus, je vois qu'il y a des gens qui sont un peu plus jeunes que les autres ici. Nous, on est tout jeunes, hein. On a 16 ans, donc on est en apprentissage. Ouais. Donc voilà. Et pourquoi vous êtes ici, du coup? Bah nous, on est là parce qu'on veut manifester, quoi. Ouais. Parce que on veut que la retraite soit la même. Qu'il y a tout de suite, pas la retraite par point, je crois, c'est ça. Ouais. Donc nous, on veut pas ça, nous. Que vous commenciez pas votre vie en sachant pas à quel âge vous allez finir. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, la retraite, pour moi, comme ils ont été mis avant, c'était très bien. Pas à 64 ans ou... ça, c'est 62 ans, je crois, c'est ça. Ouais, c'est très bien, 62 ans. Pourquoi ils mettent plus? Lui, il va à la retraite, il va avoir 50 piges. Pourquoi lui, il aurait le droit et nous, on n'aurait pas le droit? Moi, je comprends pas. Ton prénom, c'est quoi? Maxime. Merci, Maxime.